Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie romantique. New York, les années 90. Jamie est un jeune commercial redoutable, dont l'assurance et le physique avantageux sévissent aussi bien auprès des femmes. Entre antidépresseurs et dopants sexuels, il parvient finalement à tout vendre. Salut Lisa. Elle s'appelle pas Lisa. Je sais, mais si à chaque fois je lui dis salut Lisa, elle va penser que je suis sorti avec une fille qui était son sosie. Inconsciemment, elle aura de plus en plus besoin de me plaire, et à partir de là, c'est du gâteau. Je le crois pas. Pourquoi tu veux vendre des médicaments? Pour le fric. Il paraît qu'on va sortir un nouveau dopant sexuel. Je le veux. Des hommes qui n'avaient pas eu d'érection satisfaisante depuis des années. Très beaux yeux. T'as pas mieux que ça? Tu le fais pas parce que t'es attiré par une fille, ni même parce que t'as envie de baiser, tu le fais pour échapper une heure ou deux à la difficulté que t'as à supporter toi-même. Et ça me va très bien, tu vois, parce que je veux exactement la même chose. Oh, can't you see? What's the drug for me? Je crois qu'il est temps pour toi de partir. Oh, et t'as mis un gros vent, c'est pour ça que t'es accro. La petite pilule qui déclenche la ruée vers... C'est drôlement dur à croire, c'est drôlement dur à croire. Love et autres drogues, un DVD Fox Pathé au repas.